Ce mardi, à Assemblage Vicky, Émilie Gauthier a des plans pour votre semaine de relâche dans sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Et pour agrémenter vos sorties plein air, je vous propose quelques découvertes musicales parmi les nouveautés CD de la semaine. Mais pour ça, il faut rester devant votre radio pour écouter Assemblage Vicky, mardi 15h.